Chaleur, l'humanité, la douleur, ils partagent leur peine, vivent dans la joie et la colère. Ça tient les murs, ça squatte les bars, les yeux rivés sur les sœurs. Ça vise la traversée de la Méditerranée le soir. Ça parle de dinar, ça garde toujours une touche d'espoir. En ville sur les bancs, à parler à faire, ça rentre tard. Ça fait la guerre pour un billet ou un dixième d'hectare. Viens pas te mêler si t'as pas de couilles, t'aimerais reprendre tes parts. Hey, ouais. Mon bled. On se contente de ce qu'on a. Le partage, la survie, mentalité de soldat. Le respect de la daronne, verse une larme après une mauvaise parole. Vivent des drames, souvent irréparables. Une légende, une boulette, ça évacue les soucis. Y'a pas de collègues, après 4 bises, tu rentres dans la famille. A chaque départ, les sanglots à notre égard. On fait l'effort de venir, eux ils vivent et affrontent ça, un sale état. Hey, wow. C'est pour mon bled. Algérie. Man. Me revoilà. Mais j'ai pris de l'âge. Je reviens sur cette terre que j'ai connue avant de prendre de large. Pacifique, puis je me rends compte que j'ai perdu du temps. Car je découvre et apprécie ma famille qu'à l'âge de 19 ans. Des retrouvailles trop émouvantes. Et à Allah, des milliers de remerciements. Parce qu'au fond, j'aurais pu tout perdre dans ce putain de tremblement. Merci pour tous ces bons moments. Signé de la part de celui à qui vous manquez tant. Hey, wow. C'est pour mon bled. Algérie, Maroc, Tunisie, Maghreb, ça. Yeah.